17 ans, pendant la guerre, j'étais devenu un résistant. Je n'avais rien dit à mon frère, à mes amis, à mes parents, devenus combattants, volontaires et clandestins contre l'occupant. Défendre mon pays, j'étais fier, même s'il fallut verser mon sang. Je collais des tracts, des affiches avec d'autres gars, étudiants, sur les murs en faisant gaffe à nos miches, des trucs hostiles aux Allemands, des missions parfois plus difficiles qu'on nous confiait discrètement, souvent à nos risques et périls et pour quelques renseignements. Un jour des potes se sont fait prendre par des miliciens bien renseignés. Ces gars-là n'étaient pas des tendres, ils furent battus et torturés. Un beau matin, dans une clairière, sur un poteau, furent fusillés. Mais avant de mourir, ils crièrent « Ensemble vive la liberté !» J'ai vu ma mère, elle s'était mise à pleurer. À côté d'elle, mon frère, mon père, lorsque j'ai été décoré. Et j'ai dédié cette médaille à tous les gars qui sont tombés dans le combat, sous la mitraille, pour défendre notre chère liberté.